souvenir de toi et que je me blesse à ce jeu-là. Oh. Quand la nuit me dit de comprendre que je dois errer sans attendre, que dans ma ville ces souvenirs de toi me hantent et jouent avec moi. Cette vie où